Chapitre 13e. Monsieur Pépin passa une nuit blanche. Nous disons blanche en faisant allusion à l'insomnie, car le blanc est aussi le symbole de l'innocence, et nous ne pouvons cacher au lecteur que l'ancien époux d'Élisabeth fut contraint de lutter à plusieurs reprises contre des pensées qui n'étaient rien moins que chastes. Monsieur Pépin avait vu fleurir tout juste 47 printemps. Il était bien conservé, n'ayant jamais abusé des joies permises, et encore moins des joies défendues. Madame Pomme eût fait envie au neurasthénique le plus blasé, surtout s'il mordut aux fruits savoureux de ses lèvres. De minuit jusqu'au matin, il se débattit sur sa couche, ballotté entre le bon et le mauvais ange, entre le devoir et le désir. Parfois, il se disait qu'après tout, la délicieuse blonde était sa femme, qu'elle lui appartenait de par le code, et que ses scrupules dépassaient les limites de l'humanité. Mais bientôt, il se reprenait, demanda pardon à Élisabeth de ses tentations monstrueuses, puisqu'il n'aimait et n'aimerait jamais qu'elle. Le devoir, comme il convenait, l'emporta. Au petit jour, alors qu'aucun des domestiques n'était encore levé, il se rendit dans la salle à manger, et pour réparer sa faute involontaire de la veille, il embrassa le buste sur la bouche. Élisabeth lui parut froide et ce fut infiniment moins bon, mais il effaçait ainsi la trace du baiser irrégulier. Il puisa dans ce geste légitime une force nécessaire et, muni de ce viatique, se dirigea vers la chambre où reposait celle qui devait rester à jamais Madame Pomme. Il était urgent de ne pas laisser un malentendu du trop séduisant s'acclimater entre eux et il avait décidé de lui parler fermement à cet égard. D'ailleurs, il ne doutait pas qu'elle adhéra nettement au programme qu'il voulait lui soumettre d'une existence aussi cordiale, mais d'où les marques extérieures d'affection seraient soigneusement bannies. Il frappa doucement, pas de réponse. Il tourna le bouton, poussa la porte et entra. Madame Pomme, peut-être fatiguée comme lui d'une nuit troublée par l'émotion, s'était rendormie sans doute vers le matin d'un de ces sommeils profonds où s'anéantit notre être. Mais des traces subsistaient de son agitation passée. Les draps froissés, en désordre, gisaient, rejetés au pied du lit, et le vêtement intime qui lui restait ayant été déplacé par des mouvements inconscients, M. Pépin eut une vision céleste. Madame Pomme lui tournait le dos. Il ne pouvait voir sa figure enfouie dans le creux de l'oreiller unique, et cependant, ce qu'il apercevait d'elle ne manquait pas d'expression. Monsieur Pépin, c'est l'occasion qui fait l'astronome, la gorge sèche, avec un tremblement tumultueux de tout son corps, put contempler le merveilleux paysage sélénographique qui se découvrait ingénument à lui dans des blancheurs rosées et qu'un ray du soleil levant venait caresser avec amour, en dilettante, accusant les reliefs et dissipant les ombres. Monsieur Pépin, au prix d'un effort désespéré, s'arracha à une étude si attachante et si dangereuse. Il referma la porte, qui produisit un petit grincement, rentra dans sa chambre et baigna son front brûlant dans sa cuvette. Il jugea que le bruit de la porte avait dû la réveiller, et quand il lui eut accordé le temps moral de prendre une attitude plus appropriée à la conversation grave qu'elle allait s'engager, il reprit le chemin du devoir, c'est-à-dire du martyr. Il frappa trois coups timides, même silence. Il hésita et entra de nouveau. Cette fois, ce fut terrible. Contre l'habitude de l'astre des nuits qui ne se présente jamais aux habitants de notre globe que sous la même face, Madame Pomme, toujours suavement endormie, s'était retournée dans une pose d'une grâce inexprimable, et de céleste, le paysage était devenu tout à fait humain. Elle avait les bras ouverts comme pour un appel, et un sourire adorable laissait transparaître ses dents blanches. C'était trop pour un pauvre veuf. Monsieur Pépin oublia en une seconde tous les principes acquis pour obéir à la voix de l'irrésistible nature. Sylvie fut tirée de son rêve par une étreinte furieuse qui ne lui laissa pas le loisir de la résistance, car lorsqu'elle put se rendre compte des choses, il y avait déjà, c'est le terme juridique, commencement d'exécution. Elle rougit, pâlit, et hors d'état de se défendre, n'eut que le temps de soupirer doucement « Achille » et de détourner la sensation imminente au profit de celui qu'elle trahissait. L'honneur étant ainsi sauf, elle serra Pépin dans ses bras avec la ferveur qu'elle apportait à un souvenir chéri, et l'aubade matinale commencée en solo devint un duo à l'unisson qui se termina sur l'accord parfait ainsi que l'exigent les lois de l'harmonie. On connaît la réflexion rapide de cet homme qui, tombant du haut d'un toit, admire au passage, par une fenêtre ouverte, une femme charmante, dans le costume qu'on assigne à la vérité. « Ça va bien jusqu'à présent, se dit-il, pourvu que ça dure. » Ainsi raisonnaient M. Pépin et Mme Pomme tant que dura leur chute, car ils s'ingénièrent à la prolonger. Mais, tomba-t-on du ciel, le moment vient où l'on se meurtrit sur le sol brutal de la réalité. Quand ils revinrent à eux, les deux époux ne purent se dissimuler qu'ils étaient parjures et venaient de commettre un double adultère. M. Pépin s'arracha aux jolis bras qui l'enlaçaient encore et s'enfuit précipitamment. Sans s'être concertés, les deux coupables, n'osant probablement pas affronter les regards du buste, se firent servir séparément leur chocolat, ce qui fit comprendre aux domestiques qu'il y avait de la brouille dans le ménage. Mais il laissa sa tasse pleine, l'estomac serré par l'émotion d'une ivresse et d'un remords également incoercibles. Dès 9 heures, M. Pépin se rendit seul, cette fois, au Père-Lachaise. Il évita la sépulture d'Achille, mais il fit amende honorable auprès d'Élisabeth et lui jura de ne pas retomber dans sa faute, faute d'autant plus grave qu'il avait commis l'acte criminel sans circonstances atténuantes. Sylvie, elle, avait fait intervenir Achille pour lui consacrer le sacrifice. Lui, il avait oublié Élisabeth de toute son énergie. Il n'avait pas osé proposer à Sylvie de venir avec lui au cimetière. Il appréhendait de se retrouver auprès d'elle, intimidé et honteux, comme un écolier vis-à-vis de l'initiatrice. Il attendit quelque temps dans une allée, cachée, désireux de la revoir sans être vu lui-même. Elle ne vint pas. Il rentra chez lui, s'effaçant, rasant les murs, après avoir déambulé dans Paris comme un apache pendant 4 heures. Il lui semblait qu'on devait lire sur sa figure, comme à la 3e page d'un journal, tous les détails de l'attentat, et il ne s'expliquait pas que les malfaiteurs puissent échapper à l'œil exercé de la police. Il apprit, sans avoir eu l'audace de s'en informer, que madame n'était pas levée et qu'elle s'était rendormie après avoir très bien déjeuné. « Pauvre petite, gémit-il, elle est souffrante, anéantie. Car c'est un viol, ni plus ni moins, et je suis une brute, comme nous le sommes tous. » Monsieur Pépin, bourrelé de plus en plus, perdait la notion des choses. Il avait envoyé un territoire, il est vrai, sans déclaration de guerre, mais l'adversaire s'était rendu son combat en ennemi qui ne demande qu'à être annexé par le vainqueur. Et disons-le tout de suite, c'était la vérité. La psychologie féminine diffère essentiellement de la nôtre. Plus subtile, elle est aussi moins logique. La femme, être faible, appartient à qui sait ou peut l'apprendre, il subit la domination en créature qui obéit à sa destinée. De plus, excuse et explication de ses avatars, elle possède une faculté merveilleusement utile. Elle oublie facilement et complètement ce qui la gêne, soit dans son désir, soit dans sa conscience, soit dans sa mémoire. L'homme qui a cessé d'aimer une femme se rappellera pourtant qu'elle a été sienne. Il lui garde un peu de sa pensée, tout au fond, tendresse voilée ou rancune mal éteinte. Il ne la reverra jamais, sans trouble. Mais on peut étonner grandement une femme en lui apprenant qu'elle fut la maîtresse de tel ou tel pendant 10 ans. L'homme est repris souvent par une ancienne amie. La femme ne se redonne pas à celui qui l'a quitté volontairement. L'esprit de la femme, excessif et léger, s'attache seulement à l'heure présente. Ce qui ne l'intéresse plus n'a jamais existé et ce qui l'occupe ou l'attire momentanément résume toute sa vie. Sylvie, à la fleur de l'âge, avait subi presque coup sur coup un désastre moral et un désastre matériel qui l'avait brisé. D'une nature affectueuse, inexpérimentée, impulsive et honnête, elle s'était vite sentie de la tendresse pour celui qui l'avait sauvée de l'isolement et de la misère. Peu à peu, ce sentiment grandit en elle, tandis que par un jeu de bascule propre au cœur humain, le souvenir d'Achille s'enfonçait de plus en plus sous la terre, de sorte que quand Pépin pénétra dans sa chambre, elle avait fait plus de chemin que lui. Elle se trouvait la première au rendez-vous. Elle l'espérait ou l'attendait dans son rêve, et là où il croyait la prendre, elle s'était donnée. Dès cet instant pour elle, le passé fut aboli, le papillon ignore qu'il a été larve. Mais, me direz-vous, elle avait évoqué Achille en cette circonstance gabreuse. À quoi je répondrais que, le personnage étant sorti de son cœur, le nom pouvait sortir de sa bouche. Ou bien encore, qu'il y a des exemples qu'une femme ait déguisé sa pensée et tiré parti d'une compromission opportune. Ou enfin, que c'était peut-être une suprême délicatesse de sa part d'atténuer de cette façon la portée de l'acte violent auquel se livrait son nouvel époux. Sylvie, la première émotion dissipée, était toute prête à repardonner une récidive possible. Demeurée blottie à l'endroit même où s'était perpétré le crime, elle en avait gardé une excellente impression. Par suite de l'inconscience adorable dont nous avons parlé, elle fit une risette au portrait d'Achille qui avait assisté à tout en lui disant « Tu vois, chérie, comme ta petite femme est heureuse. » En cela, elle obéissait aux lois de la raison pure. Achille, dans sa position, eut fait preuve d'un égoïsme révoltant, indigne d'une âme dégagée de la matière, en condamnant Sylvie à une abstinence imméritée. Il était inique, immoral même, qu'il acceptât tout d'une femme mariée, des visites, des fleurs, un nettoyage complet tous les matins, sans lui offrir rien en échange. Et ce qu'il ne pouvait donner, n'était-il pas naturel qu'il eût permis de le recevoir d'un autre? Le propre d'une conscience tranquille est d'assurer l'appétit et le sommeil. Voilà pourquoi Sylvie avait déjeuné et s'était rendormie béatement, tandis que son époux zigzaguait dans les rues de la capitale, aiguillonné par les flèches du remords.